sirènes, gyrophare maudit, feu de croisement sur les lèvres de samedi, appuie donc à fond sur une gauche d'incendie. Tu bêches récolte, divers problèmes, de gauche révolte, jusqu'aux extrêmes, dans ta vie de bohème, tu attises les feux de paille. Après le temps qu'on sème, viens moissonner nos entrailles. Si tes robes d'haleine allument dans la nuit, ta voix de sirène, gyrophare maudit, feu de croisement sur mes lèvres de sanglier, que j'appuie à fond sur tes bouches d'incendie. Si tes robes d'haleine allument dans la nuit, ta voix de sirène, gyrophare maudit, feu de croisement sur mes lèvres de sanglier, que j'appuie à fond sur tes bouches d'incendie. Si tes robes d'haleine allument dans la nuit ta voix de sirène, gyrophare maudit, feu de croisement sur mes lèvres de sanglier, que j'appuie à fond sur tes bouches d'incendie. Tes robes d'haleine allument dans la nuit ta voix de sirène, gyrophare maudit, feu de croisement sur les lèvres de sanglier, que j'appuie à fond